Ouais, salut les mecs! Ouais, ça gaz ou quoi là, c'est bon? Ça va bien, putain, tu repenses à Trunel, franchement, leur musique, elle est déchirante! Ça va, mais ils sont bien décalés ces gars-là, tu vois, ils sont hors normes complets, tu vois. Ils Underground! sont pas NF quoi, tu vois, les gars, c'est pas des Ouais. bouffons à Ils sont la. pas dans le pitos du Ouais, pathos! ça va, ouais, c'est pas des bâtards, tu vois, qui jouent du Cabrel ou je sais pas quoi Du là. Cabrel comme tout le monde, Ouais, ça quoi! va, ouais, c'est pas de la merde quoi. Pendant ce temps, dans le studio d'enregistrement privé de Trunel. Enfin, Charles! Ah, ça fait plaisir d'être sympa. On pourra enfin jouer une chanson pour toutes nos meufs. Les paroles sont finies, alors on va pouvoir y aller. Un, Deux, deux, trois, un, un. deux. Oh, on l'a refait! Un, Un, deux, un, deux, un, deux, trois, trois, quatre. quatre!